89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on a évidemment quelques nouveautés et dans un premier temps, on vous présente deux extraits du tout nouvel album de Glasshammer qui a pour titre Skallagrim Into the Breach. Il s'agit ni plus ni moins du 20e album studio pour la formation américaine et c'est le second album d'une trilogie, nous explique Steve Babb. D'ailleurs, c'est Steve qui va vous présenter les deux extraits ce soir. Et puis après ça, Marc, je pense qu'on va avoir droit à une nouveauté espagnole. Oui, c'est la nouveauté de la formation de Barcelone, The Foxholes. Leur nouvel album s'intitule Hex, c'est leur 10e en carrière, un album instrumental qui est inspiré de la sorcellerie. Mais tout d'abord, on a Steve Babb de Glasshammer qui nous présente deux extraits de leur nouvel album Skallagrim Into the Breach, dont la parution est prévue pour le 15 octobre prochain. Skallagrim Into the Breach is part 2 of what we hope will be a trilogy of albums. The first was Dreaming City, of course, from last year, and this year we have Skallagrim Into the Breach, and I'm hoping we'll start to work on the third installation, hopefully sometime this winter. This is the story of a thief with a screaming sword. It was originally intended to be something very nostalgic, reminiscent of maybe something a band from the 70s would have done if they had been inspired by an old paperback sword and sorcery novel. As it turns out, I've actually written a novel since then, and it's called Skallagrim in the Vales of Pagarna, and that should be out in 2022. Back to the album, and to summarize a very complicated story, and to simplify it, really it's about a man who has had his memory taken from him, as well as his girl. And he has to go up against terrible odds to save her. This second album that we just released, Skallagrim Into the Breach, finds our protagonist still up against incredible odds and still trying to find his girl. And because of the situation that he's in, the album we felt like needed to be even heavier than the last, because our character is going to war and he must fight many battles and again fight many monsters and many evil characters. And it just is really intense lyrics and story, and we felt like the music needed to match. Our title track, Into the Breach, is a song I wrote, I think, last July, right after our Dreaming City was released. And that was a song written before we knew Hannah Pryor would be on board with us to be our new vocalist, so I wrote it for myself to sing. I think there's a little, definitely some space rock influence in this song. It's one of the first songs I wrote on electric guitar. I'm a bassist and a keyboardist. I don't play electric guitar, but I picked one up and wrote this song. Fred Schindel also recorded a lot of rhythm guitars for this song and played Hammond, of course, and some killer synth solos. A session guitarist that works at our studio a lot named Reese Boyd from Atlanta, Georgia, did the guitar leads, which run pretty much from beginning to end. Of course, Aaron Ralston is on drums, and I play bass guitar and keyboards. The penultimate track on the album is Hyperborea, and it actually sets up the situation where the next album will begin. It describes this terrible landscape, this terrible icy place where Skallagrim will have to go if he's ever to find his love. I wrote the bookends for this song. You'll hear a distinct difference between the intro and the outro. Fred wrote the main body of the song, and I wrote the lyrics. Hannah Pryor is our new lead vocalist, and she does an outstanding job on this song. Anyone that hears it is going to say, ah, this sounds like Rush. And true enough, Fred and I are big Rush fans. I think the same could be said for the last song on Dreaming City, and we wanted to wind up this album very much the same way. And whereas much of Skallagrim Into the Breach is dark and heavy, of course this song is still very heavy, but I do think it brings a more hopeful ending to the album. There's an uplifting sound to it, a very triumphant sound to it, and hope you like it. Hyperborea is the name of the track.

Bonjour, this is Steve Babb from Glasshammer, and you're listening to Terra Incognita, directly from Quebec City. Salut, c'est Mike Clay de Clay and Friends. Vous écoutez la musique populaire des Verdun en diffusion à CKRL. Dans

is not necessarily going. Beware of what you wish for. Beware of what lies on your path. To your own personal glory. Your stories all that glitter. Some things that glitter are merely fool's gold. We can never, ever can be told. We grow older, we think we're wiser. Avoiding deep water, but every now and then, tidal wave sweeps in from nowhere and takes you. Keep your wits about you, so you can ride this wave, live for another day. All that glitters is not gold. How many souls is not necessarily gold. Thank you. try to reconcile things you did when I was a child. Hurtful words that you said to me, would you say them if I could see? Do you think that because I'm blind, you can magically read my mind? Sent to help me but made me cry. I'm not stupid, I'm just extremely shy. You don't care when you say things that hurt me. I was there, so don't try to convert me. I was angry with no way to show it. You were blind, but you just didn't know it. Voices and whispering, don't you know that I'm listening? Unkind words that you know I hear, 'cause there's nothing wrong with my ears. All your taunting and bullying makes you weaker, not threatening. I can't see, but your soul is black. It's the void from the conscience that you lack. I don't care what you say, you don't know me. There's no way that you'll ever control me. I got love in my heart to console me. Had that fail, you will not pigeonhole me. Salut, ici Ariane Roy. Vous écoutez ma chanson « Le ciel est en place ». Quelle est la place des aînés dans les prochaines années à Québec? Voilà la question à laquelle ont tenté de répondre les candidates et candidats à la mairie de la ville de Québec. Ce lundi 11 octobre, dès 14h, CKRL diffusera ce débat virtuel organisé par la table de concertation des personnes aînées de la capitale nationale, animé par Françoise Guénette, mettant de l'avant les candidats suivants. Émilie Villeneuve, district de Saint-Louis-Sillery, équipe Savard. Jackie Smith, Transition Québec, Jean-François Gosselin, Québec 21, Bruno Marchand, Québec Fort et Fier, Jean Rousseau, Démocratie Québec. Quelle est la place des aînés dans les prochaines années à Québec? Le 11 octobre, 14h, à CKRL. On pense souvent que la poésie est quelque chose de très, très, très cérébral, de très intellectuel. Moi, au contraire, je travaille pour que ce soit quelque chose de très viscéral, tu sais, qui vienne tout de suite faire appel beaucoup plus au cœur qu'à la tête, là, tu sais. À découvrir sur la fabrique culturelle. Je suis comme ça, je touche, moi. Je touche tout le temps tout, je touche tout le monde. Non, je suis comme ça. J'ai besoin de toujours tout toucher. J'ai besoin de toucher aux choses. J'ai besoin de toucher aux gens. J'y crois pas, sinon, hein? Si je touche pas, j'y crois pas. L'auteur et acteur Steve Gagnon revendique le droit d'être complètement névrosé. On pourrait tous être plus libres. Je dis on pourrait parce que les cadres, les moules, les stéréotypes, tout ce qu'on se construit socialement, c'est ça qui nous empêche d'être complètement libres. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Fils, n'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Les étés souterrains. Je t'envoie 200 lions à la tête pour l'insoumission, 200 lions au cœur pour la fierté, 200 lions au ventre pour l'ardeur. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration, trouble du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors pour le troisième bloc de l'émission, notre voyage musical nous transportera en Grèce, en Finlande, en Italie et au Mexique. Parlant de Mexique, ce sera la formation Cast, une formation qui a débuté dans les années 90 et qui en est maintenant à son 20e album en carrière, leur plus récent. Paru en 2021, Vigésimus récolte déjà de très bonnes critiques. Mais pour ce bloc, ce sera un extrait de leur 15e album, l'album Originalis, paru en 2008, qui est un album double, vraiment excellent. Et la pièce Renacer. On aura également une pièce du nouvel album de Alessandro Covaglia. On sait qu'il est chanteur pour la Mascherata di Cera, mais il est aussi musicien. Donc, sur cet album, qui est son premier effort solo, il joue des claviers sur toutes les pièces, de la basse et un peu de guitare. On aura donc la pièce « Where Have I Been ». Également, on aura un extrait du nouvel album de Kimmo Porsti, « Past and Present », dont on avait déjà fait jouer deux extraits. On a maintenant Sorrow and Recovery. Alors, sur cet album-là, il est accompagné de Raphaël Pacha sur presque toutes les pièces, mais également des membres de sa famille, dont ses deux filles qui sont musiciennes. On aura la pièce Sorrow and Recovery, mais tout d'abord, pour débuter, on aura la formation grecque Cicada, tirée de leur excellent album Harvest. C'est un grand coup de cœur pour moi, et ce sera la pièce d'ouverture. Michel, on s'en passe pas de ces belles musiques de Cicada. Ouais, tout à fait, Marc. C'est vraiment une excellente formation. J'en parlais là, il y a peut-être quelques mois, là, lorsqu'on l'a présenté, je disais que c'était un groupe assez discret. En fait, 3 albums sur une période quand même assez longue. On en prendrait beaucoup plus. Et puis, c'est des musiciens assez discrets, là, je te dirais. Là, je pense que, de mémoire, le flûtiste a collaboré au premier album de Ske, le projet de Paolo Botta. Et puis, Paolo Botta a joué sur le premier Cicada, Child in the Mirror. Mais enfin, bon, on en parle et on va écouter donc un extrait de l'excellent Harvest. Thank you. Between all I wished and already had, an inner flame burning was driving me mad. My mind was continuously wandering away, and fear was diverting me from what I had to say. So framed, the more I felt strong, the less that I gained. Fighting with alibis I knew were not real, but closed my desires with the heaviest of seals. Horrors got dark, barrier to thwart, a lapse in the heart. Dreaming of this, chasing a rainbow lasting too short, and not realizing life's way too exhort. Spirit on fire, aroused and inspired, and no more walking on. Thank you. Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. Le 9 octobre prochain, le cabaret Drag Opéra est de retour à Québec pour une deuxième édition haute en couleurs. 5 chanteurs d'opéra, 4 drag queens, un mélange hétéroclite d'opéra, de comédie musicale et d'icônes de la chanson pop. Les critiques sont unanimes, le Drag Opéra est un événement à ne pas manquer. Une expérience unique et déjantée le 9 octobre prochain à la scène Le Bourgneuf. Bonjour, ici Nikki G, espionne internationale et femme moderne, mais surtout votre animatrice pour le Drag Opéra. On se voit le 9 octobre prochain à 19h pour un spectacle des plus glamour. On s'y voit. Ta-ta! Visitez la page Facebook Drag Opéra pour plus d'informations. Billets en vente au zitabombardiertouret.com. Pour célébrer les 20 ans de la compagnie Le Fils d'Adrien Danse, Harold Réaume revisite les 10 commandements, une pièce mythique, emblématique du travail de son créateur. 10 interprètes sur scène pour explorer les tensions sociales à travers le prisme des tables de la loi. Pour La Rotonde, diffuseur de danse, ce sont 25 chandelles qui seront soufflées à l'occasion de la présentation de ce spectacle qui nous mène vers une réflexion sur les valeurs et principes qui guident notre agir collectif, mais surtout sur ceux que nous devrons inventer pour répondre aux défis actuels. Les 10 commandements du 13 au 16 octobre à 20h à l'espace Saint-Grégoire. Une coproduction et une coprésentation de La Rotonde et du Fils d'Adrien Danse. Billets en vente sur larotonde.qc.ca ou au 418-649-5013, poste 315. Ma belle amour, ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça, après une semaine complète à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir, je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale, un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour le dernier bloc de l'émission, on aura une formation allemande et une formation italienne. On débutera avec Versus X, donc cette formation allemande qui ont réalisé 4 albums. Ce sera un extrait du dernier qu'ils ont réalisé, Primordial Ocean, paru en 2008, et l'excellente pièce The Pulse of Earth. Et ce sera suivi de la formation italienne Quasar Lux Sinfonia. C'est une formation qui a une longue feuille de route. Leur premier album étant paru en 1977, ensuite un deuxième album dans les années 80. Il y a eu 2 albums dans les années 90 et 2 dans les années 2000. Leur plus récent, paru en 2012, est un réenregistrement de leur tout premier album, The Dead Dream, qui était paru en 1977. Alors, mais pour ce bloc, on ira de leur plus récent, donc, album original, l'album Synopsis, paru en 2009, et la pièce Rhapsody and Fugue. We'll Information arrives in time, compressed to send the pulse of earth through every line. Overloaded in heart and mind, something essential lost within redundancy inside. A sea of noise, how to select, how to make a choice of presence brought by multimedia toys. And who did assess what it's right? Made a pre-selection by importance. Can we trust our news channel 5? Have we been manipulated all the way by permanent spreading of fragments out of incomplete information that now moves our emotions, directing our focus towards anything intended by some obscure strange power, a driving force behind. Just engraved in ancient code. We follow, always prone to make believe. Salut tout le monde, ici Pierre-Hervé Goulet. Vous écoutez ma nouvelle chanson « Les oiseaux du matin » sur CKRL. La place des aînés dans les prochaines années à Québec? Voilà la question à laquelle ont tenté de répondre les candidates et candidats à la mairie de la Ville de Québec. Ce lundi 11 octobre, dès 14h, CKRL diffusera ce débat virtuel organisé par la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale, animé par Françoise Guénette, mettant de l'avant les candidats suivants. Émilie Villeneuve, district de Saint-Louis-Sillery, Équipe Savard, Jackie Smith, Transition Québec, Jean-François Gosselin, Québec 21, Bruno Marchand, Québec Fort et Fier, Jean Rousseau, Démocratie Québec. Quelle est la place des aînés dans les prochaines années à Québec? Le 11 octobre, 14h, à CKRL. La musique live est sans doute l'une des choses qui nous a le plus manqué. Le district Saint-Joseph est fier de vous annoncer le retour des Mardis Open Jam. Une multitude de styles de musique sur une seule et unique scène dans le plus beau bar de la ville. Tous les mardis dès 21h, venez entendre un jam haut en couleur créé par les meilleurs chanteurs, compositeurs et improvisateurs de Québec. L'entrée est gratuite et les portes ouvrent à 20h. Bienvenue aux musiciens et musiciennes. district-saint-joseph.ca. Malgré tout ce qui nous entoure, malgré l'isolement, malgré le confinement, malgré le désagrément, sachez que les geeks contre-attaquent demeurent là pour protéger l'humanité et surtout pour vous divertir l'oreille un peu pendant que vous vous emmerdez. Donc, c'est les samedis, c'est à 13h et c'est sur CKRL 89.1. Puis, on n'a rien d'autre à faire. Mais oui, écoutez-nous, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca/infirmières. Un message du gouvernement du Québec. CKRL. Communication. Communication. Communication. Culture. Culture. Culture. Culture. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un